Tout le monde s'en va et toi tu restes ici. Il n'y a plus que moi, que toi et surtout lui. Nous ne sommes plus que trois, mais il me reste toi. Toi qui me fais sourire et fais vivre ma joie. Et puis tu sors ta langue et l'embrasse devant moi. Il te baise et s'en va. Et moi, je reste là. Moi qui croyais aux femmes en t'ayant rencontré. Tu es une toxicomane qui ne pense qu'à baiser. Nous ne sommes plus que trois, mais il me reste toi. Toi qui me fais sourire et fais vivre ma joie. Tu sors ta langue et l'embrasse devant moi. Il te baise et s'en va. Et moi, je reste là.